ainsi presque tailladés à l'heure où mes démons montrent leur tête. Je pense à te devoir blessé. Je voulais juste te crever. Tu sens la glace brissimise dans un éclat glisse. Sa sainteté sans sens, sans essence balance. Et sa structure qui danse trop dense. Dans un élan se sature, applause matière et toute vie engendre. Le flot de sang se voile et nous renvoie trop pâle. Les couleurs de nos râles sans laisser le hasard décider à nos places. La liberté des autres commence là où la sienne se glace. Un enfant qu'on aurait empaillé. Et c'est trop longtemps devant la télé. Comme une baïa sur laquelle on aurait trop squatté, fumé, rêvé, à chasser le dragon. Et on trouvait Eric, patienter la bouda de terre qui se concentre dans le jamais. Bouger, bouger, bouger, bouger, bouger, bouger, bouger, bouger, bouger, bouger, bouger, bouger, bouger, bouger, bouger. Je voulais juste te crever. Fixe, regarde autour de toi comme les gens se fixent. Ça saisit le corps et l'âme, se masse de part, ne plus sentir les drames qui l'oppriment. Se fait, et bien de plus en plus violent, c'est plus que tous les frères. Un rêve, ça se dit pas, un rêve, ça se rêve, ça se rêve, ça se rêve, ça se rêve, ça se rêve, ça se rêve. I shall call him Moon. Non, tout du moins c'est presque regardé à l'heure où mes démons montrent leur tête. Je pense à te devoir blessé. Je voulais juste te...